France Musique. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here. Venez. This is the bathroom. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Bonjour à tous et bienvenue sur la 42e rue, le quartier des comédies musicales de France Musique. Depuis maintenant 9 saisons déjà que cette petite rue est ouverte, on apprécie tellement ce genre qu'on aime vous le faire partager et aussi vous permettre d'y assister. Pourquoi par exemple ne pas aller à Londres où chaque jour 20, 25 comédies musicales sont à l'affiche? Eh bien allez hop, à partir d'aujourd'hui, durant 4 semaines, la 42e rue vous offrira chaque dimanche 2 allers-retours à Londres pour 2 personnes pour assister aux grandes comédies musicales à l'affiche dans la langue de Shakespeare. Et à tout seigneur, tout honneur, un classique de l'âge d'or de Broadway est de nouveau à l'affiche depuis quelques semaines de la capitale britannique dans une éblouissante nouvelle mise en scène. C'est Guys and Dolls, connu peut-être plus en France par son adaptation au cinéma par Joseph Mankiewicz. Ça s'appelait en français Blanche Colombe et Jolis Messieurs. Une comédie musicale qui swing, signée Frank Lusser. L'occasion était trop belle pour nous, puisque nous vous inviterons en fin d'émission à Londres pour y assister, de revisiter ce classique de la comédie musicale immortalisé par Frank Sinatra. They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on this date with me. The pickings have been lush. And yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners. You might refuse to stay. And so the best that I can do is pray. Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Luck if you've ever been a lady to begin with. Luck be a lady tonight. Luck let a gentleman see how nice a dame you can be. I know the way you've treated other guys you've been with. Luck be a lady with me. A lady doesn't leave her escort. It isn't fair. It isn't nice. A lady doesn't wander all over the room and blow on some other guy's dice. Let's keep this party polite. Never get out of my sight. Stick with me, baby, I'm the fella you came in with. Luck be a lady night. Gentlemen, see just how nice a dame you can be. I know the way you've treated other guys you've been with. Hey, luck, be a lady with me. A lady doesn't leave her escort. It isn't fair, and it's not nice. A lady doesn't wander all over the room and blow on some other guy's dice. So let's keep the party polite. Never get out of my sight. Stick with me, baby, I'm the guy that you came in with. Luck be a lady. Luck be a lady. There's no coffee. No coffee? No coffee. No coffee. If I can't take my coffee break, my coffee break, my coffee break. If I can't take my coffee break, something within me dies. Lies down and something within me dies. If I can't make trips where shining shrine benignly drips and taste cardboard between my lips, something within me dies. Lies down and something within me dies. No coffee. No coffee. No coffee. No coffee. No coffee. No coffee. No coffee. No coffee. That office light doesn't have to be fluorescent. I'll get no pains in the head. That office chair doesn't have to be foam rubber. So if I spread, so I spread. But only one chemical substance gets out the lead. Like she said, if I can't take my coffee break, my coffee break, my coffee break. Break. Gone is the sense of enterprise. All gone and something within me dies. Something deux chansons signées Frank Loesser, paroles et musique pour débuter. D'abord, une escale à la machine à café à l'instant dans Coffee Break, extrait de la drôlissime comédie musicale Comment réussir dans les affaires sans vraiment essayer. C'était une reprise il y a 3 ans avec Daniel Radcliffe à Broadway. Et puis juste pour débuter, Frank Sinatra dans Luck Be a Lady Tonight, une chanson qu'il n'interprète prêtait pas dans l'adaptation au cinéma de Gags and Dolls, puisque le rôle très lyrique de Skye Masterson avait été attribué à une star qui ne savait pas chanter, Marlon Brando. En France, le titre du film, c'était « Blanche Colombe et Vilain Messieurs ». Alors avant de découvrir ou de redécouvrir Gags and Dolls ce matin sur la 42e rue, je vous propose juste un petit détour par le Châtelet, parce que j'ai été complètement ébloui, emporté par la nouvelle comédie musicale à l'affiche depuis mercredi, Passion, de Stephen Sondheim. Son auteur, compositeur Stephen Sondheim, le librettiste James Lapine était d'ailleurs à Paris lundi pour assister à la générale de cette première en France. Passion clôt en fait le cycle que Le Châtelet a consacré à Stephen Sondheim depuis 5 ans, un cycle qui a permis de faire connaître ce grand compositeur au grand public en France. Et bien cette fois, Fanny Ardant signe une mise en scène aride, les passions, les couleurs rouges surgissent au milieu de la grisaille de toiles de tableaux géantes qui servent de décor. Ryan Silverman, le Canadien, est impressionnant dans le rôle du militaire Giorgio, balancé entre son amour pur pour la blonde Clara et sa passion qui commence à le ravager pour Fosca, cette femme malade. Quant à Nathalie Dessay, elle est épatante dans le rôle de Fosca, avec sa voix d'une gravité insoupçonnée. Elle apporte une douceur étonnante au personnage. Je ne peux résister au plaisir de vous faire entendre Passion par Nathalie Dessay. Et l'une de ses plus belles chansons, c'est une déclaration d'amour au militaire qui va le faire basculer. Ça s'intitule, voilà, c'est comme si vous étiez au Châtelet ce soir ou actuellement, Nathalie Dessay qui interprète Loving You. Loving you is not a choice, it's who I am. Loving you is not a choice, and not much reason to rejoice, but it gives me purpose, me voice to say to the world, this is why I live, you are why I live. Loving you is why I do the things I do. Loving you is not in my control, but loving you, I have a goal for what's left of my life. Die for me. What kind of love is that? The truest love. Would Clara give her life for yours? Would she, Giorgio? I would. Loving You, Nathalie Dessay, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la direction de Andy Einhorn. À découvrir si vous passez par Paris jusqu'au 24 mars, et puis sinon sur France Musique en intégralité. Ça sera samedi 23 avril à 19h dans Samedi Soir à l'Opéra. Et maintenant, une comédie musicale maligne, joyeuse, par un compositeur, auteur qui, comme Stephen Sondheim, écrit paroles et musique, et qu'admire d'ailleurs Stephen Sondheim. Il s'appelle Frank Loesser. Lorsque le rideau se lève sur Gags and Dolls, Nous sommes dans une ruelle de New York. Alors sur le script, il est écrit qu'il s'agit d'un ballet narratif pour capturer le monde coloré de la grande ville. Il y a des pickpockets, des touristes naïfs, un faux aveugle et des joueurs de course de chevaux qui se font cirer les chaussures en pleine rue tout en lisant leur journal et qui chantent en canon. Frank Loesser appelle cela une fugue. I got the horse right here, the name is Paul Revere, and here's a guy that says if the weather's clear, can do, this guy says the horse can do, if he says the horse can do, can do. I pick him Valentine, 'cause on the morning line, the guy has got him figured at 5 to 9. But his epitaph, he went to buy a half, according to this here and that telegraph. For Paul Revere, I'll fight, I hear his foot's all right. Of course, it all depends if it rained last night. I know it's Valentine, 'cause on the morning line, the guy has got him figured at 5 to 9. But just a minute, boys, I got some bucks north. Says the great grandfather was equipoise. I tell you, Paul Revere, now this is no bum steer. It's from a handicapper that's real sincere. I know it's Valentine, the morning works look fine. You know the jockey's brother's a friend of mine. So make an epitaph, he wins it by a half, according to this here and the telegraph. Epitaph, Valentine, Paul Revere, I got the horse. Fugue for tin horns. Tin horns, ça veut dire des joueurs qui font semblant d'être plus riches qu'ils ne le sont. Ce n'est pas pour rien que Frank Loesser les introduit avec ce qu'il nomme de façon prétentieuse fugue à la Jean-Sébastien Bach. C'est l'un en fait des trop rares exemples de chansons en contrepoint qu'on peut entendre à Broadway. Et c'est une technique que Frank Loesser, musicien émérite, maîtrisait. On entendait un extrait de Gags and Dolls à sa création en 1950. Gags and Dolls, c'est vraiment un classique de Broadway créé durant cette décennie merveilleuse où apparaissait My Fair Lady, La Mélodie du Bonheur, West Side Story ou The Music Man. Et c'est une histoire qui plonge en patois et en musique dans le Times Square de la Prohibition, lorsque les caïds portaient des noms aussi ridicules que Nicely Nicely Johnson ou Big Julie. Dès sa première, le 24 novembre 1950, Gags and Dolls est un succès total, plus de 1200 représentations. La musique, vous allez l'entendre, swing, mais il y a aussi de délicieuses mélodies. Par exemple, lorsque l'un des truands, pour honorer un pari, se met à séduire une jeune sœur de l'armée du salut en lui parlant d'amour. Pour cette fille, Frank Loesser crée une chanson droite avec des harmonies en mode majeur. Le truand et la jeune sœur vont comparer en chanson leur vision de l'amour. Quand il essaiera de l'embrasser à la fin, elle le giflera. La chanson s'intitule « I'll Know ». I'm not interested in what he will not be. I'm interested in what he will be. Well, don't worry. I'll know. For I've imagined every bit of him, from his strong moral fiber to the wisdom in his head, to the homey aroma of his pipe. You have wished yourself a real dumb character, a square-thinking, pencil-pushing type. Yes, and I shall meet him when the time is ripe. Got the guy all figured out, huh? I have. Including what he smokes, all figured out. All figured out. Some fly-by-night Broadway romance. by the crease in his pants. Yes, I know by that calm, steady voice, those feet on the ground. I'll know as I run to his arms that at last I've come home safe and sound. Until then, I shall wait. Until it like that? What are you picking, a guy or a horse? Oh, I wouldn't expect a gambler to understand. Would you like to hear how a gambler feels about the big love deal? No. Well, I'll tell you. Mine will come as a surprise to me. Mine I leave to chance and chemistry. Chemistry? Yeah, chemistry. Sight of a face, how I care, how I care, how I care. And I'll stop, and I'll stare. And I'll know long before we can speak. And I'll know in my heart. And I'll know, and I won't ever ask, am I right, am I wise, am I smart? And I'll stop and I'll stare at that face in the fog. Yes, I'll know when my love comes along. When my love comes. Un enregistrement très particulier de Guys and Dolls, c'était par la Motown, avec un casting entièrement noir, James Randolph et Ernestine Jackson. Guys and Dolls, en français donc Blanche, Colombes et Vilains Messieurs, une comédie musicale créée en 1950 par Frank Lesser pour les chansons, les paroles, la musique, par Abbé Burrow pour le livret, l'humoriste George Kaufman à la mise en scène, et puis l'excellent Michael Kidd pour la chorégraphie. Et en fait, c'est l'adaptation pour la scène d'une nouvelle d'un journaliste qui a créé, au début du XXe siècle, toute la mythologie de Broadway. Son nom, Damon Runyon. En fait, il passait son temps dans un café dénommé le Lindy's, qui existe toujours sur Broadway. C'était un lieu où les caïds de la prohibition régnaient, où il a retranscrit minutieusement le patois rugueux, imagé de ces gangsters qui adoraient cajoler des poupées danseuses et qui disaient par exemple « potatoes » pour « argent ». Damon Runyon racontait les faits divers dans les journaux et il avait aussi écrit une nouvelle intitulée « L'idylle de Miss Sarah Brown », l'histoire d'une sœur de l'armée du salut qui sauve spirituellement un gangster nommé Sky Masterson. Gags and Dolls, c'est donc l'adaptation en comédie musicale de cette histoire. Nous venons de la rencontrer, Sarah Brown. Eh bien, elle va tomber amoureuse de ce truand en boîte de nuit, une fois qu'il l'a bien fait boire. La chanson s'intitule « If I Were a Bell ». Dans le film de Mankiewicz, Sarah Brown était interprétée par Gene Simmons et Sky Masterson par Marlon Brando. How do you feel? Ask me now that we're cozy and clinging. Well, sir, all I can say is if I were a bell, I'd be ringing. moment we kiss tonight. That's the way I've just got to behave, boy. If I were a lamp, I'd light. And if I were a banner, I'd wave. Ask me, how do I feel? Little me with my quiet upbringing. Well, sir, all I can say is if I were a gate, I'd be swinging. And if I were a watch, I'd start popping my spring. Or if I were a bell, I'd go ding, dong, ding, dong, ding. Ask me, how do I feel from this chemistry lesson I'm learning? Chemistry? Yeah, chemistry. All I can say is if I were a bridge, I'd be burning. Yes, I knew my morale would crack from the wonderful way that you looked. Boy, if I were a duck, I'd quack. Or if I were a goose, I'd be cooked. Ask me, how do I feel? Ask me now that we're fondly caressing. How? If I were a salad, I know I'd be splashing my dressing. Ask me how to describe this whole beautiful thing. Well, if I were a bell, I'd go ding, dong, ding, dong. Comme dans toute comédie musicale qui se respecte, il y a un autre couple amoureux, plus comique, dans Guys and Dolls. Il s'agit de Nathan, un autre truand, un caïd, et Adélaïde, une chanteuse de boîte de nuit. La première fois qu'on la découvre, Adélaïde, c'est dans son grand numéro, une chanson intitulée A Bush and a Peck. Elle était en 1992 à Broadway, interprétée par Faith Prince. And now for the grand finale of Around the World Review! We take you down on the farm with our star, Miss Adelaide, and the Hot Box Chick Chick Chickies! How I'll ever tend the farm when I want to keep my arms about you. A Bush and a Peck, Faith Prince en 1992 à Broadway dans la reprise de Guys and Dolls. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Si Franck Le Sœur est un auteur-compositeur apprécié par ses pairs, c'est qu'il savait, dans ses chansons, créer de petites scénettes de théâtre. Prenez ce personnage d'Adélaïde. Elle est fiancée depuis 14 ans avec Nathan. Elle attend le mariage avec impatience. Elle est tellement troublée psychologiquement par cette attente qu'elle en éternue à tour de bras. C'est le thème d'une chanson célèbre intitulée « La complainte d'Adélaïde », Adélaïde's Lament, ici reprise par Carole Burnett. The average unmarried female, basically insecure, due to some long frustration, may react with psychosomatic symptoms difficult to endure, affecting the upper respiratory tract. In other words, just from waiting around for that plain little band of gold, a Pison can develop a cold. You can spray it wherever you figure the streptococci like. You can give her a shot for whatever she's got, but it just won't work. If she's tired of getting that fish eye from the hotel, Tyson can develop a cold. It says here, the female remaining single, just in the legal sense, shows a neurotic tendency. See note, note, note. Chronic organic syndromes, toxic or hypertense, involving the throat. In other words, just from worrying whether the wedding is on or off, a Pison can develop a cough. You can feed her all day with the vitamin A and the bromo fizz, but the medicine never gets anywhere near where the trouble is. If she's getting a kind of a name for herself and the name ain't his, a Pison can develop a core. And furthermore, just from stalling and stalling and stalling the wedding trip, a Pison can develop like grip. When they get on the train for Niagara and she can hear church bells chime, the compartment is air conditioned and the then they get off at Saratoga for the 14th time. A Pison can develop like grip, like grip, like post-nasal drip, with the wheezes and the sneezes and a sinus that's really a pip, from a lack of community property and a feeling she's getting too old. A Pison can develop a bad, bad cold. À vos souhaits. Franck Le Sœur avait vraiment tous les talents. Il savait, on l'a compris, écrire les paroles, composer des mélodies, écrire des scénettes en chanson. Il s'était établi à son compte en tant que producteur. Enfin, et ce n'est pas la moindre qualité, il savait chanter. Jugez sur pièce. They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on this date with me, the pickings have been lush. And yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners, you might refuse to stay. And so the best that I can do is pray. Oh, luck be a lady tonight, luck be a lady tonight. luck. If you've ever been a lady to begin with, luck, be a lady tonight. Luck, let a gentleman see how nice a dame you can be. I know the way you've treated other guys you've been with. Luck, be a lady with me. A lady doesn't leave her escort. It isn't fair, it isn't nice. A lady doesn't wander all over the room and blow on some other guy's dice. So let's keep the party polite. Never get out of my sight. Ooh, stick with me, baby, I'm the fella you came in with. Luck be a lady. Oh, luck be a lady. Luck be a lady tonight. Frank Loesser au piano et au micro, extrait d'un album intitulé Une soirée avec Frank Loesser. Gags and Dolls, la comédie musicale, a été, ben voilà, on l'a bien dit durant cette émission, un énorme succès. Du coup, le spectacle est repris très souvent et les chansons sont devenues des standards. Par exemple, Harry Connick Jr. en a inclus quelques-unes dans son tour de chant Harry on Broadway. Voici une chanson qui normalement est interprétée par l'un des truands, Sky Masterson. Alors vous allez l'entendre, c'est une chanson qui est un hymne à New York et ça ressemble comme deux gouttes d'eau au célèbre New York, New York. Ça a été composé 30 ans plus tôt, My Time of Day, interprété par Harry Connick Jr. avec évidemment beaucoup de velours. My time of day is the dark time, a couple of deals before dawn, when the street belongs to the cop and the janitor with the mop, and the grocery clerks are all gone, when the smell of the rain-washed pavement comes up clean, fresh, and cold, and the street lamp light fills the gutter with gold. That's my time of day. My time of day, and you're the only doll I have ever wanted to share it with me. I've never been in love before. Now all at once it's you forevermore. No, I've never been in love before. I thought my heart was safe, I thought I knew the score. But this is wine, and all too strange and strong. I'm full of foolish song, and now my song must pour. So please forgive this helpless haze I'm in. But see, I've really never been in love before. Strong, full of foolish songs. and now my son is born. So please forgive this helpless haze I'm in, but I've really never been in love before. Guys and Dolls a été aussi très souvent repris à Londres. La plus célèbre reprise date de 1982, c'était par le respectable National Theatre, et c'est Bob Hoskins qui incarnait Nathan Detroit, le joueur invétéré qui se fait marcher sur les pieds par Sky Masterson. Les orchestrations étaient on ne peut plus abrasives avec force cuivre. Le spectacle est resté 4 ans à l'affiche, il a obtenu 5 prix Olivier Awards, c'est l'équivalent des Molières à Londres. Écoutez cette scène de ménage, par exemple, entre Bob Hoskins, Nathan et Adélaïde, qui n'en peut plus d'attendre le mariage, un de ces duos typiques à contrepoint de Frank Loesser. You promise me this, you promise me that, you promise me everything under the sun, and you give me a kiss, and you grab in your hand, and you're off to the races again. What I think of the time gone by, not a way. I try, not a way. I could honestly die. Call a lawyer and sue me, what can you do? I love you. Give a holler and hate me, hate me. Go ahead, hate me. I love you. The best years of my life, I was a fool to give to you. All right, already. I'm just an old good Nick. All right, already. It's true, so new, so sue me, what can you do me? I love you. You gamble it here, you gamble it there, you gamble on everything, all except me, and I'm sick of you keeping me up in the air till you're back on the money again. When I think of the time gone by, not a way, not a way. And the way I try, not a way. I can honestly die. So leave a paper and sue me, what can you do me? I love you. Give a holler and hate me, hate me. When you wind up in jail, don't come to me to bail you out. All right, already. So call a policeman. All right, already. It's true, so new, so sue me, what can you do? I love you. Oh, you're at it again. You're running the game. I'm not gonna play second fiddle to that, and I'm sick and I'm tired of stalling around, and I'm telling you now that we're through. What I think of the time. Et en 2016, Guys and Dolls est de retour à Londres dans une magnifique production mise en scène par Gordon Greenberg, chorégraphiée par Andrew Wright. On retrouve sur scène un décor fait de néons, d'affiches publicitaires qui nous plongent dans le New York du siècle dernier. On retrouve le contraste entre la jeune sœur rigide de l'armée du salut et des truands très cool. Et parmi les truands, c'est l'excellent Gavin Spokes qui interprète bien l'un des truands de la bande à qui revient quelques solos décapants. Un personnage qui se nomme sur scène Nicely, Nicely Johnson. J'ai joint par téléphone Gavin Spokes et je lui ai demandé de nous le décrire, ce truand qu'il interprète. So Damien Runyon created these characters in the 1920s and 30s during the Depression in America, and there were these really flamboyant characters of people that he kind of knew in New York. Some were gangsters, some were gamblers. Le journaliste Damon Runyon a inventé ces personnages dans les années 1920-1930 durant la dépression aux États-Unis. Des personnages flamboyants, nouvellement arrivés à New York, des gangsters, des parieurs. La plupart des personnages qu'on voit dans Guys and Dolls sont basés sur ces personnages. Et le mien aussi, il est basé sur un truand qu'on appelait Nicely, Nicely Johnson parce qu'il était toujours très poli. Il regardait toujours du bon côté des choses. Il adorait jouer aux cartes, les courses, la nourriture. C'est un peu le faire-valoir de Nathan Detroit, qui est le roi des paris à New York et qui organise de grandes soirées de jeu dans la ville une ou deux fois par an. Tous les gangsters et parieurs venaient de partout aux États-Unis à cette occasion. Alors mon personnage, Nicely Naxy Johnson, et ses collègues organisaient pour lui ces grands raouts. Ils trouvaient un lieu, car c'était illégal. Sont un peu, eux, les faire-valoir qui sont la partie comique du spectacle. Ils arrivent, mettent un peu d'énergie, d'optimisme, d'absurdité. Ils sont un peu les Laurel et Hardy du spectacle. Par exemple, au second acte, les truands ont perdu un pari face à Skye Matterson. Il faut qu'ils aillent à une réunion de l'armée du salut pour faire la claque. Alors chacun, lors de la réunion, se lève et témoigne de sa repentance envers le jeu. Chacun se lève à tour de rôle et tout raconte sa petite histoire. Alors quand c'est son tour, mon personnage, Nicely Naxy Johnson, se lève et en fait, il s'excite tout seul avec la petite histoire qu'il raconte. C'est un numéro qui dure 8 minutes et à la fin de la chanson, je crois qu'il s'est complètement converti. Enfin, il croit qu'il s'est converti. Maintenant, je suis sûr qu'à peine il a mis un pied en dehors, il a tout oublié. Mais à la fin de la chanson, il s'est tellement amusé. Vous savez, c'est typiquement de la musique gospel. Tout le monde s'excite dans ce numéro, dans le temps présent. And I said to myself, sit down, you're rocking the boat. Said to myself, sit down, you're rocking the boat. And the devil will track you under. By the sharp lapel of your checkered coat, sit down, sit down, sit down, sit down, sit down, you're rocking the boat. I dreamed last night I got on the boat to heaven, and by some chance I had brought my dice along, and there I stood, and I hollered, someone fade me. But the passengers, they knew right from wrong. For the people all said, sit down, you're rocking the boat. Yes, the people all said, sit down, you're rocking the boat. And the devil will drag you under by the sharp lapel of your checkered coat. Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down, you're rocking the boat. I sailed away on that little boat to heaven, and by some chance found a bottle in my fist. And there I stood, nicely passing out the whiskey, but the passengers were bound to resist. People all said, be wild. Yes, you're going to have a trip. Well, well, when out, people all said, be wild. Beware, beware, it's going to ship. And the devil will drag you under. Oh, and a fancy time round, you'll be kept from. Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. You're rocking the boat. Down. And as I laughed at those passengers to heaven, a great big wave came and washed me overboard. And as I sank and I hollered, someone save me, that's the moment I woke up. Thank the Lord. Sit down, oh, sit down, girl, sit down. Sit Down, You're Rocking the Boat, le grand numéro de Nicely, Nicely Johnson à la fin de Guys and Dolls. C'est Ken Page qui a incarné ce rôle dans cet enregistrement par la Motown de cette comédie musicale. Et maintenant, eh bien, pourquoi vous aussi, vous n'iriez pas à Londres pour assister à Guys and Dolls, puisque nous vous y invitons. Pour la quatrième année, France Musique, 42e rue, en partenariat avec la Société des Théâtres de Londres et Eurostar, vous invite à Londres. Chaque semaine, jusqu'au 10 avril, nous vous offrons deux voyages pour deux personnes de Paris à Londres pour assister à une comédie musicale. Cette semaine, nous vous offrons donc un voyage pour assister à Guys and Dolls. Et pour jouer, c'est simple, il faut répondre à deux questions dont, si vous avez été attentif à l'émission, j'ai donné les réponses depuis 11h. Alors voici les deux questions de la semaine. Qui a interprété au cinéma dans Guys and Dolls le rôle de Nathan Detroit ? Et puis, deuxième question, quel journaliste américain a inspiré l'histoire de Guys and Dolls ? Vous connaissez les réponses, direction la page de 42e rue sur francemusique.fr et là vous cliquez sur le lien qui vous amène directement sur la page du concours. Il y a un formulaire, vous remplissez, vous mettez vos coordonnées, les deux réponses aux deux questions de la semaine. Qui a interprété au cinéma dans Guys and Dolls le rôle de Nathan Detroit ? Et quel journaliste américain a inspiré l'histoire de Guys and Dolls ? Vous avez jusqu'à mercredi soir minuit pour participer au concours. Un tirage au sort départagera les gagnants et nous annoncerons les deux auditeurs qui pourront partir à deux à Londres le 28 mai, dimanche prochain. Bonne chance. What's playing at the Roxy? I'll tell you what's playing at the Roxy. A picture about a Minnesota man so in love with a Mississippi girl that he sacrifices everything and moves all the way to Biloxi. That's what's playing at the Roxy. What's in the Daily News? I'll tell you what's in the Daily News. A story about a guy who bought his wife a small ruby with what otherwise would have been his union dues. That's what's in the Daily News. What's happening all over? I'll tell you what's happening all over. Guys sitting home by television set who once used to be something of a rover. That's what's happening all over. Love is a thing that has licked 'em, and it looks like Nathan's just another victim. Yes, sir, when you see a guy reach for stars in the sky, you can bet that he's doing it for some dog. When you spot a John waiting out in the rain, chances are he's insane, as only a John could be for a Jane. When you meet a gent paying all kinds of rent for a flat that could fly the Taj Mahal, call it sad, call it funny, but it's better than even money. Half the guys only doing it for some dough. When you see a Joe saving half of his dough, you can bet there'll be me getting it for some dough. When a bum buys wine like a bum can't afford, it's a cinch that the bum is under the thumb of some little broad. When you meet a mug lately out of the jug, and he's still lifting platinum, Guys and Dolls, la chanson-titre dans la version enregistrée par la Motown dans les années 1980 avec Ken Page, notamment dans le rôle de Nathalie Johnson. Guys and Dolls à Londres au Phoenix Theatre et actuellement au Savoy Theatre. Voilà, pour jouer avec nous, direction francemusique.fr pour plus d'informations, la programmation musicale, le podcast. Rendez-vous également sur la page de l'émission et puis vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans l'actualité, notez que dimanche prochain, 27 mars, ainsi que le 3 avril, ceux que nous avons reçus il y a quelques semaines, Christine Buffle, Lauren Van Kempen, toute la troupe de Broadway Melody rendra hommage en musique à Cole Porter dans un spectacle qui aura lieu à l'Auguste Théâtre. Il y aura donc Christine Buffle, Maxime de Toledo, Lauren Van Kempen, Scott Emerson, Mathieu Serradel et pour la narration Géléry. Je vous conseille d'y aller. C'est donc dimanche prochain, 27 mars et dimanche 4 avril. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique proposée par Laurent Vallière avec Martine Moni, José Bernès, Julien Calois, Thomas Bizot et à la réalisation Fabien Fleura. On se retrouve dimanche prochain avec quelqu'un que vous connaissez sans le connaître. Il s'appelle Don Black. Quand vous allez chez lui, vous voyez plein de statuettes, des Oscars, des Tony Awards. Il a écrit notamment les paroles des grandes chansons de James Bond, Diamonds Are Forever, mais aussi les paroles de grandes comédies musicales, notamment Sunset Boulevard et Miss Anderson Presents. Il nous a reçus chez lui, à Londres. Nous parlerons avec lui pendant une heure de sa carrière dans la comédie musicale. Dimanche prochain, 11h, 42e rue, sur France Musique.